Mon mari fait moi misère, mon médecin âme devant Dieu. Mon sous la monnaie, j'en ai l'une d'homme, mange pas fin. Sangre moi qui dans la case, mon bâti gagne. Mon mari fait moi misère, mon mari fait moi misère, mon mari fait moi misère, médecin âme.